véhicule de pompier me dépasse et j'en aperçois un autre dans le rétroviseur. Mon attitude dans ce type de situation doit être de retarder le moins possible les secours. Les véhicules devant moi sont arrêtés et le dernier de la file a allumé ses feux de détresse. Il serait totalement malvenu de suivre ce camion de pompier et de profiter de l'urgence de son déplacement pour ne pas avoir à attendre derrière la file de voitures qui me précède. Réponse B.